su t'en sortir. Pardonne-moi. Comment aurais-je imaginé tout plaquer, qu'un seul instant tout effacer, te quitter, me dire que tu n'avais plus de temps pour nous deux, t'oublier à jamais le passé, s'envoler. Tu n'as pas su me tenir, tu n'as pas su me chérir, tu n'as pas su t'en sortir. Pardonne-moi. Tu n'as pas su me tenir, tu n'as pas su me chérir, tu n'as pas su t'en sortir. Tu n'as pas su me chérir, tu n'as pas su t'en sortir.